c'est d'abord une culture. Quand on est en DevOps, on prend tout le monde. DevOps et Agile font effectivement partie de la même famille. La virtualisation applicative, c'est très bien. Aujourd'hui, ça nous prend 10 minutes et un café. Ce n'est ni être dev, ni être ops. C'est avant tout de la communication. Ce mouvement DevOps, c'est tout simplement drivé par la communauté et endorsé par les entreprises. J'ai adopté une démarche DevOps. Le développement agile. On a accéléré le déploiement. Ça amène une clarté sur le travail de... Être dans une démarche d'amélioration continue. On se retrouve face à des... Travailler naturellement ensemble, ça donne des résultats concrets. DevOps. L'objectif individuel, ça s'atteint, alors qu'une ambition, ça se partage. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans un nouveau numéro de DevOps, aujourd'hui consacré au Scrum. Et donc avec moi, j'ai deux nouvelles personnes, ce qui est vraiment très cool. J'ai Maxime. Salut. Et si tu peux te présenter un peu. Donc je suis un développeur principalement Go.js, j'ai 29 ans, je vis à Lille. Et j'ai fait 3 ans du coup à Epitech que j'ai terminé à 2015 et depuis j'ai globalement oscillé entre des petites startups où on était jusqu'à 10 max et des activités de freelance de mon côté. Je suis passé aussi très rapidement par des grosses boîtes, mais à chaque fois ça s'est mal passé, ça s'est très vite terminé. Donc je crois que fondamentalement je dois être quelqu'un qui aime pas trop l'ambiance trop protocolaire des grosses boîtes. Donc je m'épanouis très bien dans un petit univers un peu à l'arrache. Ah mais cool, ça fait partie de ce qu'on a besoin aussi. Et donc on a aussi Maxence avec nous. Bonjour, enchanté. Donc Maxence, ouais, je suis VP of Engineering dans une boîte qui s'appelle Formance. Une très jeune startup d'une dizaine de personnes. Donc, je suis manager aujourd'hui, techniquement. Et dans le passé, je suis passé par des sociétés de conseil, donc ESN pour l'autre petit nom. Et puis voilà, grosso modo, ce que j'ai fait ces dernières années dans le monde de l'infra à chaque fois. Voilà, dans le monde de l'infra. Et si tu dois vite faire présenter ta boîte, parce que ça pourrait peut-être intéresser les gens. Ouais, bah nous globalement on est une fintech, on permet de builder et de voir vos flux financiers en version très courte. Ok, cool. Et moi Guillaume Letron, bon alors là pour le coup mon expérience, donc moi je suis aussi orienté plus infra, mais j'ai toujours travaillé dans le monde des devs en tant que DevOps, je vais mettre des gros guillemets à DevOps, c'est tout un sujet. J'ai été freelance et dernièrement ça vient un peu de changer, donc peut-être que j'en parlerai plutôt dans un prochain podcast pour être exactement... avoir exactement tous les détails. Donc voilà, je fais du teasing, même si j'en ai déjà un peu parlé sur Twitter. Et donc aujourd'hui, ce qui nous ramène tous les trois dans ce podcast, on va parler de Scrum. Donc Scrum, vraiment la méthodologie agile qui vient avec. Donc il faudra qu'on définisse un peu tout ça, bien sûr, à un moment. Et le pourquoi du comment on en parle aujourd'hui, c'est deux choses. C'est déjà qu'il y a eu... il y a de ça quelques temps, donc c'est bien, ça a laissé un peu le sujet un peu se décanter. On a eu... tout un sujet à propos vraiment d'un thread que Maxime a fait justement Twitter, donc on pourra aussi en discuter sans doute à la fin de tout l'emballement qu'il y a eu autour de ce thread là pour parler un peu de comment c'était perçu et comment ça pouvait être vécu de l'intérieur, le fait que Scrum n'était pas forcément adapté. Voilà, tout ça, on va en discuter de toute cette méthodologie là et de ce qu'est son impact et pourquoi dans DevOps, me direz-vous. Clairement, c'est parce que DevOps, c'est l'agilité pour l'infrastructure, à la base de la base. Et donc, bah, toutes ces méthodes mises en place, elles font partie un peu de l'écosystème qu'on a autour de nous. Quand on fait du DevOps, on est souvent lié à de l'agilité et donc lié à du Scrum. Et je pense que tous les gens qui écoutent ce podcast ont déjà dû, même s'ils ne le font pas forcément aujourd'hui, ils n'ont pas beaucoup fait, ont dû être dans une équipe qui le faisait de près ou de loin, ou être en lien avec des développeurs qui le faisaient. Et donc c'est pour ça que c'est cool d'en parler, puisque ça va permettre de nous apercevoir un peu des liens qu'on peut avoir avec le DevOps, et surtout de la communication et du travail qu'on peut avoir dans des équipes ensemble dessus. Et donc pour commencer, je ne sais pas si vous pouvez me donner un peu votre définition du Scrum, pas telle que vous l'avez forcément vu appliquée pour l'instant, mais de manière globale. Je ne sais pas, Maxence, si tu veux. C'est compliqué parce qu'on entend beaucoup de choses sur Scrum, mais globalement pour moi, c'est le premier but, c'est principalement de faire des cycles itératifs plus ou moins courts. Je l'ai vu principalement implémenté en cycle de 2 semaines. Aujourd'hui, j'expérimente la version plutôt courte de 1 semaine. Et après, on met beaucoup de choses derrière, mais moi, je vais rester sur cette définition très courte, très simple de cycle itératif, qui est pour moi peut-être la partie la plus importante, et tout le reste découle de ça, en tout cas pour moi. Ouais. Et pour toi, Maxime, comment tu définirais ? J'aime bien la définition de Maxence avec les cycles itératifs, mais bon, pour pas répéter exactement la même chose. Moi, je le vois surtout comme un cadre de travail, une manière de travailler ensemble pour faire de l'agilité, pour qu'on s'entende tous sur une même manière de faire et que même du coup dès l'entrée, c'est marqué sur la fiche de poste Scrum, on se fasse une idée de comment les gens travaillent à l'intérieur. Bah, j'aime bien cette définition du cadre à l'entrée au moment de l'embauche. Je trouve que c'est un bon pattern. Pour être tout à fait encore plus explicite là-dessus, c'est oui, en effet, il faut pas mélanger agilité et Scrum. C'est-à-dire que un point qui est souvent relevé par certaines personnes qui parlent de Scrum, c'est que dans le manifeste Scrum, donc c'est pas d'ailleurs un manifeste, c'est un guide, je crois, le guide du Scrum. Je me souviens plus exactement des termes. On va avoir tous les coachs qui vont venir nous tomber dessus, mais c'est pas ça le point important. Mais c'est en tout cas, il n'est jamais précisé le mot agile dedans. C'est-à-dire qu'il y a le manifesto agile d'un côté. Qui parle donc de justement ces cycles itératifs, de comment on travaille ensemble à un moment donné, enfin sur ces cycles itératifs, d'apporter de la valeur. Ça, on peut aussi en discuter là-dessus. Et le Scrum de l'autre côté, qui est donc la méthodologie de travail, c'est-à-dire comment on fait maintenant qu'on a dit qu'il nous fallait ces cycles itératifs pour travailler ensemble. Et donc, on a des rituels de communication, donc on a les daily stand-up meetings, par exemple, les DSM qui se passent normalement tous les matins, etc., etc. Donc ça, c'est encore un autre pattern, c'est une manière d'implémenter l'agilité, on va dire. Et vous, justement, comment vous l'avez vu appliquer? Parce que là, on parle un peu, c'est très théorique, mais on va essayer de rentrer très vite dans le détail et voir après la divergence par rapport à la théorie. Comment toi, Maxime, justement, tu l'as vu appliquer le Scrum? Mal. Alors, mal, justement, tiens, mal comment? C'est-à-dire mal dans le sens, ils appliquaient pas le book ou c'était pénible? Bah, les deux à la fois, parce que, bon, de ce qui a été révélé par le thread, parce que je suis pas un grand connaisseur de Scrum, si tu veux, moi je l'ai plus subi que étudié. Donc pour moi, si tu veux, j'ai découvert des modalités de Scrum avec le thread. J'ai découvert par exemple que beaucoup de gens disaient mais ils faisaient des estimations Scrum, il y a jamais eu d'estimation. Et globalement, c'était le cas dans la boîte où je bossais, c'était que il y avait des story points, mais dans leur tête, c'était clair, un story point égale une demi-journée de travail. Ce qui fait que ben on avait des estimations sur toutes les issues qu'on avait. Bon, il y avait ça, il y avait aussi le fait que c'était une manière de faire du flicage. Les délits qui sont censés normalement être là pour s'entraider, c'était une manière un petit peu de contrôler, de faire le pointage du matin. Bon, il y avait tout un tas de règles qui étaient perverties justement pour que le Scrum Master devienne plus un chef de projet avec une grosse emprise sur les devs qu'autre chose. Ouais, mais je pense là-dessus qu'on a eu à peu près la même expérience. Enfin, je vais parler vite fait à mon expérience et après, comme ça, Maxence, tu pourras rebondir. Moi, le Scrum, on l'avait appliqué déjà l'agilité, j'en ai entendu parler. On a commencé à le faire mais en 2011. On avait commencé là-dessus et c'était assez drôle. J'étais dans une ESN à ce moment-là et en fait, on décidait de faire de l'agilité ou du méthode en V classique en fonction du client. C'est-à-dire le client décidait s'il voulait de l'agilité ou du Scrum sans jamais parler des équipes en fait. C'est-à-dire c'était pas comment les équipes arrivent à travailler ensemble, comment elles arrivent à travailler le plus efficacement, c'était bon, les clients ils veulent de l'agilité, on leur vend de l'agilité quoi. Donc ça c'était en 2011 là-dessus. Et en fait très vite dès 2012, je suis allé pour le coup maintenant passer dans des startups pour le faire. Et là on a essayé un peu de le faire by the book quoi, c'est-à-dire blameless, les DSM on les faisait debout dans l'endroit le plus pénible de la compagnie, donc vraiment sous les toits où il faisait chaud le but étant que ça ne dure pas. Et surtout, c'était accepter le fait de dire hier, rien. Hier, je n'ai pas eu de problème. Puisque normalement, un DSM, c'était le but, c'était vraiment de faciliter les échanges au niveau surtout de la pénibilité qu'on avait pu rencontrer. Pas de parler justement de tout ce qu'on avait fait la veille et de nos vacances. Et en effet, c'était ce qui est arrivé au fur et à mesure que j'ai vu... au fur et à mesure des entreprises, qui est, en tout cas, si on prend vraiment, on va essayer de se focusser là, pour l'instant, sur le DSM, c'est devenu du flicage, complet. Le flicage étant devenu le truc de qu'est-ce qu'on a fait la veille. Et je me souviens même, dans certaines boîtes, de me dire, le DSM est à 10h30, je fais semblant de faire 2-3 trucs sur un ticket entre 9h30 et 10h30, et comme ça, je parlerai de ça au DSM pour résumer tout ce que j'ai fait la veille, dont je me souvenais pas. Et donc, en fait, il y avait des espèces de méthodes de contournement, comme ça, où on essayait de réfléchir à comment remplir un DSM sans être pris pour un branleur de ce qui s'était passé. Je sais pas toi, Maxence. Avant de répondre, j'aurais une toute petite question. C'est que pour vous, le DSM, il est pour qui ? J'ai l'impression que dans les deux cas que vous aviez eu, il y avait un manager ou un PO ou un PM, peu importe, qui était présent. Et donc, en fait, c'était une façon de reporter ce que vous aviez fait, donc du flicage. Mais c'était une façon de reporter, alors que pour moi, alors je pose une question et j'y réponds en même temps, donc je vous laisserai juste après. Vas-y. Mais pour moi, le délit, c'est vraiment... en fait, j'ai pas à y être en tant que manager, c'est pas pour moi qui l'ai fait. Nous, par exemple, aujourd'hui, chez Formance, on le fait à l'écrit. Donc, c'est un bot Slack qui passe à 11h30, un truc comme ça, où la personne peut répondre en fait n'importe quand dans la journée, il n'y a pas de zéro pression sur ça. Et en fait, ça pose dans un channel Slack public, et le but, c'est juste que tous les devs soient au courant de ce sur quoi bosse chacun, en plus des tickets, sur quoi ils ont été bloqués, sur quoi ils ont besoin d'aide. Mais moi, je réagis jamais, en fait, si j'ai besoin de savoir sur quoi bossent les gens. J'ai un outil ticketing pour ça. C'est censé être là où moi, je m'épanouis, entre guillemets. Mais pas du tout dans le délit. Enfin, et j'ai l'impression que... En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu avant. Hein. Pareil avec vous, hein, sur le flicage, etc. C'était toujours, fallait être là à 9h50 parce que sinon ça empêchait que les gens arrivent à 10h, 10h30, 11h, ce qui arrive assez souvent dans la tech quand même. On a tendance à être plutôt des arrivés tard, mais c'était en effet pour moi globalement totalement un flicage. Mais c'est là où pour moi en fait c'est juste que les gens ont pas compris à qui s'adresse le délit et à quelles questions les gens doivent répondre, et je pense que c'est là où des petits rappels devraient être faits de temps en temps, quoi. Ouais, moi je suis entièrement d'accord avec toi. Hein. Si jamais on revient donc ce que t'as dit tout à l'heure, l'itératif, si on revient même à la base du pourquoi ce DSM, parce qu'en fait c'était ça en fait la question à se poser, c'est pourquoi on fait de l'agilité, pourquoi on fait de l'agilité. Je dis souvent l'agilité c'est quelque chose qui devrait pas marcher, c'est-à-dire dans la théorie c'est inefficace, puisqu'en fait on ne sait pas où est-ce qu'on va et on n'a pas de guide, on n'a pas de plan, on n'a rien en fait, on y va complètement à poil avec notre bite, notre couteau, sans être du tout sexiste, hein, c'est genre vraiment on y va juste complètement à poil dedans. Et à la fin, ça arrive à fonctionner. Là où, dans une méthode traditionnelle, on va faire un plan, on va essayer de se rester dans le plan, et les trois quarts du temps, on tape à côté. Et donc après, ce qu'il a juste fallu se dire à un moment, c'est que, ok, c'est cool, l'agilité. Et d'ailleurs, un truc dont on n'a pas parlé, et c'est d'ailleurs symptomatique du Scrum, c'est que tout est basé normalement sur la rétrospective. C'est-à-dire, comment on fait pour améliorer de cycle en cycle ? C'est en se demandant ce qu'on a fait le cycle d'avant. Et donc en se disant, le cycle d'avant, on a fait des choses bien ou pas, et comment on fait pour améliorer cette chose-là. Donc normalement, le nerf, le truc le plus important, vraiment la cérémonie qui devrait être l'apothéose de l'agilité, ça devrait être la rétrospective. Et ça, pour le coup, on l'a la plupart du temps en Scrum, on peut la faire de plein de façons différentes, c'est cool. Et d'ailleurs, c'est normalement un point important, dans une rétrospective, on fait la rétrospective de la rétrospective, en se disant, est-ce que cette rétrospective s'est bien passée ? Non, on la change. En fait, c'est un truc vraiment de mouvement permanent qui devrait exister. Et en fait, historiquement, le DSM, il servait à avoir juste justement de l'aide rapide, de faire en sorte de pas attendre 2 semaines pour se dire on va attendre la rétrospective pour avoir une amélioration. Et juste on se dit non, mais si jamais tu as un point de blocage, on doit en parler le plus vite possible pour le traiter le plus tôt possible. Et ouais, malheureusement, c'est devenu en fait du process là-dedans. Je sais pas ce que Maxime tu C'est la réflexion que je me fais par rapport au daily, c'est que nous déjà on avait une board Jira, donc je pense que vous avez eu les mêmes, soit avec Trello, soit avec n'importe quoi. Donc la board classique avec les tickets, on voit c'est assigné à qui, on voit ce qui est en cours, ce qui est en review, ce qui est en validation et compagnie. Donc savoir qui fait quoi à un instant T, on le sait. Savoir qui a fait quoi aussi en le passé, au bout d'un moment, on le sait aussi. Et du coup, moi, mon avis là-dessus, surtout qu'on est outillé, on a des Slack, on a tout ça, c'est que la daily, si j'ai un problème, par exemple, dans mon code, j'ai envoyé un message sur Slack avec mon problème à la personne qui, je sais, sera la plus efficace pour répondre à mon problème. Et comme c'est de la synchrone, la personne, une fois qu'elle a le temps de me répondre, elle me répond. Moi, pendant ce temps-là, j'ai bossé sur un autre ticket, faire avancer le truc d'une autre manière. Mais à aucun moment, je me dis qu'on a l'obligation de devoir avoir un rendez-vous à horaire fixe pour parler des problèmes, sachant qu'on peut le faire en continu durant la journée. Normalement, il faut que ce soit prévu. Il faut que on soit tous d'accord qu'il y a un accord tacite pour qu'on se dise, on a toujours une période de notre journée où on va. J'ai vu un tweet il y a pas longtemps où quelqu'un parlait de faire de la glu. J'aime bien cette expression. Et il faut qu'il y ait un moment dans la journée où on va faire de la glu, du coup, pour aller aider les autres, résoudre quelques problèmes qui peuvent être mineurs et compagnie, mais qu'on le fasse tous à un moment. Et ça, pour moi, il n'y a pas forcément besoin d'une réunion pour le faire. Je suis assez d'accord. En fait, je suis d'accord et pas d'accord. C'est-à-dire que ça dépend, je pense, énormément de ton équipe et de la typologie d'équipe que tu as. Typiquement, quand tu as des profils plutôt juniors ou des personnes qui sont très introverties, ça peut être compliqué pour elles d'aller demander en fait de l'aide comme ça sur Slack, ou alors ils vont plutôt le faire en one-to-one, et ça permet d'avoir un moment qui est un peu sacralisé et qui permet vraiment de demander de l'aide, ou tout du moins de dire qu'on a eu un problème, etc. Et donc quelqu'un, typiquement un junior, va pas demander de l'aide directement, souvent il va juste dire j'ai ça qui marche pas aujourd'hui, et si tu vois que ça fait deux jours qu'il est sur ça, peut-être que quelqu'un de l'équipe va aller de lui-même l'aider, essayer de régler son problème. Donc je pense que c'est important de le garder. Après c'est plus le format et l'intention qui est derrière. Pour moi c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est complètement perverti aujourd'hui dans ce que j'ai vu par des managers et des PO qui sont en fait qui devraient même pas être invités, parce que c'est pas un moment de reporting, c'est un moment vraiment juste d'échange dans l'équipe. Et à la rigueur, moi ça me plairait même que ce soit un moment d'échange même informel, tu vois, qu'on raconte notre week-end machin, etc. Moi, ça m'irait dans l'idée, tu vois. C'est juste un moment informel pour que l'équipe, que tout le monde puisse dire qu'il a un problème, et on passe sur chacune des personnes pour être sûr que tout le monde a dit ce qu'il avait à dire. Et le moment dans la journée devrait pas être important. C'est pour ça que j'aime beaucoup le format écrit par rapport au format présentiel. C'est que le format écrit, en fait, empêche le flicage. Tu le fais une fois par jour. Que tu me le fasses à 2h du matin, à 6h de l'après-midi ou à midi, c'est pareil pour moi, je m'en fiche, il n'y a pas d'importance. Alors que dès que tu vas mettre une horaire, l'horaire, tu vas plutôt le mettre en début de journée ou en fin de journée. En fin de journée, c'est-à-dire que tu fliques les gens pour pas qu'ils partent à 15h. Mais bon, ça, c'est encore un autre débat où on sort de Scrum et de l'agilité. Et si tu le mets le matin, c'est pareil. Si tu le mets à midi, tu casses la journée en deux. En fait, je trouve que tu... Vas-y, au moment où c'est un moment vraiment ritualisé tous les jours et que ça est à l'oral, etc., j'ai l'impression que tu casses, en fait, dans tous les cas, la journée des gens. Et que tu trouveras jamais un horaire qui conviendra globalement à tout le monde. D'où pour moi le format écrit qui est beaucoup plus intéressant et qui permet en plus de remonter dans les messages pour voir mais là ça fait deux jours que t'es bloqué, machin, etc. Parce que t'as pas forcément à l'oral. Typiquement côté infra, quand je faisais des délits avec les devs, c'est pas que ça m'intéressait pas beaucoup, mais quand chacun parle pendant 7 minutes, 10 minutes, que t'es 6 personnes, et qu'en plus ils parlent de leurs problèmes de dev qui sont pas toujours des problèmes que moi je peux faire quelque chose, c'est vrai que tu t'ennuies un peu, quoi. Donc t'écoutes globalement pas et t'es déjà en train de penser à ce que tu vas faire dans le reste, et quand en plus t'es multi-équipe et donc que tu fais plusieurs délits dans la journée, t'as juste l'impression de perdre du temps, quoi. Ouais, ça c'est vrai que c'est un point qu'on n'a pas évoqué. C'est pour ça que là on raccroche un peu le DevOps là. En fait, là tu viens de complètement raccrocher là-dedans, qui est comment ça se passe quand parce que le Scrum a été prévu pour être dans une équipe monodisciplinaire. tu n'as que des personnes qui peuvent s'entraider. C'est d'ailleurs normalement tout le principe de faire une user story. La user story peut être prise par normalement n'importe quelle personne qui est présente à l'intérieur. Si elle ne l'est pas, c'est qu'il y a un problème et c'est qu'il faut faire de la formation pour aider les gens. Mais normalement, elle est monodisciplinaire et en fait, c'est un one size fit all. D'ailleurs, j'ai peut-être donné aussi un peu de contexte qui est important à avoir. L'agilité, ça a été fait par des gens qui avaient l'habitude d'être en ESN aux États-Unis, en équivalent d'ESN, en tout cas en projet. Et en fait, leur difficulté, c'était comment ils parlaient avec des clients. En fait, c'était ils avaient besoin d'une méthodologie pour pouvoir parler régulièrement avec le client et s'apercevoir des problèmes avant que ce soit tout à la fin. Donc, c'est assez marrant de savoir que l'agilité a été faite pour les projets de vente en régie, globalement. C'est une méthode de facturation, c'est une méthode de... Il y a tout ce qui vient avec. Je facture sur 2 semaines, je m'engage sur 2 semaines. Enfin, 2 semaines d'ailleurs, ou n'importe quel cycle. Et en fait, très vite, quand on arrive à ce pattern de... Bah, en fait, dans notre équipe, on a intégré des SRE, on a intégré des gens de la qualité, on a intégré des gens du produit. Là, tu as dit, il y a des PO qui sont maintenant dedans. Bah, moi, le PO, des fois... en fait, à part fliquer, je vois pas trop ce qu'il pouvait faire d'autre, en fait. Il va nous parler de certaines choses, nous... Et c'est con, parce qu'en fait, il y avait certains moments où on avait besoin de son information. Savoir qu'il était allé voir un client, que le client était pas content, en fait, c'est une super information. C'est juste que là, elle se retrouvait à être noyée dans des gens qui allaient perdre 10 minutes de leur temps tous les jours, 10, si jamais c'était pas plus, noyée dans plein de choses. Donc, en fait, en effet, le rituel de communication, il est peut-être pas bon, ou peut-être il est pas adapté. C'est-à-dire, ce rituel-là, il doit être... Peut-être se dire, même dans une équipe, on a plusieurs DSM en se disant, vous décidez quand est-ce que vous le faites aujourd'hui avec un vote, j'en sais rien. Les devs, vous le faites dans votre coin. Je sais pas. Mais c'est un problème aussi. Alors moi, par contre, je vais aller dans l'autre sens par rapport à toi, Maxence. C'est que moi, j'adorais être dans le DSM des devs, même si j'y bitais rien. Parce qu'en fait, les 3/4 du temps, je disais, je suis dans un coin, je parle pas, mais si vous avez besoin, je suis là. Et en fait, le fait qu'il soit ritualisé, qu'il soit un moment précis, pour le coup, là, c'était en présentiel, me permettait, moi, d'aller à cet endroit-là. Pendant ce temps-là, j'étais sur mon téléphone, je faisais d'autres choses. Même des fois, j'étais sur mon PC. Mais juste de dire, au moins, à ce moment-là, vous êtes tous là. Il y en a pas qui sont barrés en réunion, qui sont pas là, etc. Et si vous avez besoin de moi sur un problème d'infra, parce que vous avez eu des problèmes de déploiement dans la journée ou quoi que ce soit, je suis là. Et ça, c'est un truc qui était quand même assez intéressant. Et moi, j'ai débloqué pas mal de projets en étant en ce rôle-là. Pour moi, tu vois, cette posture-là dont tu parles, c'est celle que j'aime avoir à ce moment-là quand je fais des délits en physique, mais c'est celle que pour moi devraient aussi avoir toutes les personnes autour, c'est-à-dire que le PO s'il doit venir, et en soi il doit venir, s'il pourrait répondre et débloquer la situation juste en reprécisant une spec ou autre, mais en fait il faut pas le voir, enfin faut pas que les gens le voient comme quelqu'un qui doit reporter, c'est plutôt quelqu'un qui est à l'arrière de la salle, qui écoute et qui vient te débloquer quand on a besoin quoi. C'est ça, en fait, moi je me présentais en tant que support, pas en tant que genre, attendez, vous avez dit que vous avez fait ça sur le même cache, c'est pas bien, voyou de dev, c'était genre en mode, si vous avez un problème, venez me voir, tu vois, en fait, c'est un positionnement, je me positionnais en tant que support, en tant que être là pour les aider, pas en étant là pour être le gatekeeper et les empêcher d'eux. C'était ça la différence. J'étais pas obligé d'être attentif à tous les mots en mode attention, il y a peut-être un moment les devs ils vont faire n'importe quoi. Et c'est peut-être ça où en effet la position que tu dis qui est je suis là pour vous aider. Le centre, c'est les développeurs au sens très large d'ailleurs du terme développeur, pas juste les gens qui codent. Mais c'est eux qui créent la valeur. En fait, en gros, je suis un support des gens qui créent de la valeur. Donc le but c'est la valeur. Mais dès que tu as plus ce rituel, comment tu fais? C'est ça ma question. C'est dans quoi ne plus avoir ce rituel? Ne plus l'avoir en physique ou ne plus l'avoir... Tu le faisais par écrit, ouais, mais il n'y a pas ce moment où tout le monde est là à un moment donné, tu vois, genre, c'est ça... je sais pas, c'est une question, en fait. C'est vrai. Fondamentalement, c'est vrai. Il n'y a pas tout le monde qui est là à un moment dans une pièce, mais est-ce que c'est fondamentalement grave? Tu peux avoir d'autres meetings, d'autres choses, d'autres rituels importés, mais... je sais pas, il faudrait poser la question à mes équipes pour le coup. Alors peut-être un autre truc, tu vois, genre tu sais, en amélioration continue, moi dans ton cas, ce que je ferais, alors après c'est peut-être un biais personnel, c'est je demanderais aux gens de le faire à l'écrit pour qu'ils soient déjà tous faits, et après je mets tout le monde dans un truc et je fais ok, vous voulez commenter un truc? Oui, non, fin du meeting. Pourquoi pas? Après, le truc qui me... Mais par contre, à un moment qui soit pas un moment de flicage, en effet, tu vois, genre c'est... Et si les gens sont pas là, c'est pas grave. Le truc, c'est que, après, là, on parle dans le cas où la team, elle est que sur des contraintes horaires identiques. Dès que tu commences à avoir des teams qui sont répartis sur plusieurs plaques géographiques, Ce que normalement on essaie d'éviter de construire une team qui a plusieurs time zones différentes. Mais bon, on sait tous que ça peut arriver. Là, tu rentres dans un cas où si t'as un mec à San Francisco, bah à part faire ton daily à minuit pour toi heure française ou minuit pour lui heure à San Francisco, globalement, t'as pas beaucoup de moments où tu vas te recaler. Et c'est là où ça peut globalement devenir compliqué. Mais sur le principe, c'est pas censé exister. Donc, je sais pas. Je pense qu'il faudrait poser la question aux gens qui font que par écrit. Pour voir est-ce qu'ils aimeraient un moment plus live pour en discuter. Et toi, Maxime, je crois que tu avais eu cette expérience justement peut-être exactement. Offshore, quoi. Donc c'est pour ça que c'est une bonne expérience. À... Bah, justement, on a testé du coup les deux formules. On a testé avec les réunions en visio du coup à un instant T. Donc il y avait un gros décalage horaire, donc c'était toujours très compliqué. En général, ça faisait que pour nous c'était 21h et pour les autres c'était je crois 8 ou 9h du matin, donc c'était pas idéal ni pour l'un ni pour l'autre, mais c'était compatible. Mais c'est un modèle qu'on a décidé d'abandonner assez rapidement, au moins pour les daily, où on est passé sur un mode du coup asynchrone et par écrit, donc on n'avait plus ce rituel du daily. Néanmoins, le rapport asynchrone qu'on devait produire, c'était pas est-ce que j'ai eu un problème aujourd'hui, c'était qu'est-ce que j'ai fait hier. Et ça, c'est un autre problème. Oui, c'est le reporting dont on parlait. Et d'ailleurs, quand on parle de reporting, donc de ce que j'ai fait, moi, un autre problème que les DSM que j'ai vécu, t'en as un peu parlé, c'est les points. C'est vraiment les points de complexité. Enfin, plutôt, déjà, on va prendre les user stories. Alors, on va prendre déjà un premier point là-dedans. La user story, j'ai jamais rarement vu en tant que user story. C'est-à-dire que j'ai vu quelque chose en mode il faut changer la version d'Apache ou j'en sais rien. Enfin, où il faut avoir tel truc. Mais en fait, j'ai rarement vu quelque chose où je vais donner de la matière à un. Enfin, je vais apporter de la valeur à un client. C'est ça une user story. Hein. Je vais apporter de la valeur. Un user a besoin de faire ceci. Je vais apporter de la valeur. Et en fait, je l'ai quasiment jamais vu. Je sais pas, vous... Côté infra, en fait, c'est compliqué de... En fait, ton client, c'est tes devs, globalement. C'est rarement le client final de la boîte. Donc, ça va plutôt être... La user story, ça serait... Enfin, dans ce cas-là, ça serait plutôt... l'équipe bateau a besoin d'un nouveau Redis en version 7 pour répondre à telle et telle et telle et telle problématique, tu vois. Mais souvent, ça se traduit plutôt en « j'ai besoin d'un Redis, point ». T'as pas le contexte, t'as pas tout ça. Et la user story, c'est fait normalement plus pour donner du contexte. Je l'ai vu plutôt côté dev, mais souvent c'est pareil, c'est que c'est long à écrire, c'est long à rédiger. Donc globalement, les gens vont souvent au plus court par manque de temps, en fait. Et donc c'est pas souvent respecté. Le principe de la user story en elle-même, je l'ai rarement vu respecté, en tout cas longtemps. Ouais, moi aussi, mais même là, c'est même pas sur le temps, tu vois. Genre, c'est vraiment, en fait, là par exemple, ton Redis, moi j'aurais commencé par la fin. J'ai fait. Pour pouvoir scaler l'application X, ils ont besoin d'un Redis à la version. Tu vois, la user story, en fait, elle s'écrit dans l'autre sens. En fait, c'est ça le principe de la user story, c'est de dire d'abord, je mets en valeur. Et c'est juste de la mise en valeur. Ça peut être juste dans le titre. Une user story, c'est pas en tant que je dois faire ceci et j'ai un template de trucs que j'ai sur Jira et que personne n'a jamais utilisé. Au final, tu mets trois lignes au début. Non, tu vois, c'est vraiment juste le positionnement. Je donne de la valeur. Et surtout, je me positionne en tant qu'un produit. Et ça, en infra, alors on sait pas faire, mais en vrai, on pourrait le faire. Une équipe de Redis as a service, ou de n'importe quoi, DB as a service, installation as a service, ou n'importe quoi, c'est juste, tu es dans une notion de service avec une notion de client, et tes clients, le client est roi, j'aime pas du tout cette expression-là, mais c'est un peu ça. Or, si aujourd'hui, t'écoutes une équipe d'ailleurs de n'importe quoi, hein. Une équipe d'ops, elle va détester les devs, une équipe de devs, elle déteste les clients, et etc. Et t'as un truc qui a un rapport d'amour-haine en permanence, de dépendance-haine en permanence. Et ça, pour le coup, je l'ai rarement vu. Et donc, ça inclut le fait que si jamais personne n'y voit de la valeur, parce qu'il n'y a pas... Tu me dis, OK, il faut mettre à jour le Redis, clairement, pour quelqu'un du produit, il va être là en mode, en fait, tu me les casses les couilles avec ton Redis, donc fais-le vite. Dis-moi quand est-ce qu'il est fini pour qu'on passe à de la vraie valeur. Tu vois, c'est ça, en fait, l'emballement souvent que j'ai vu. Côté infra, t'as déjà rencontré une vraie vision produit de l'infra ? Moi, la plupart des cas où j'ai été, en tout cas, l'infra était plutôt toujours en réaction que en mode on a une vraie vision produit d'une plateforme avec des services qu'on délivre, etc., etc. Moi, ça a toujours été plutôt en mode au fait, l'équipe 2, elle a créé un nouveau produit en Node et ça serait bien quand même que pour la fin de semaine, soit demain, elle soit dispo sur le cluster cube avec telle version de Postgres, machin, etc. Et c'était plutôt comme ça, en mode réactif pompier, que en mode vraiment produit avec une vraie vision, avec la création d'une plateforme, etc., etc. Et je pense de là le fait que les user stories n'ont pas beaucoup de sens, en tout cas côté infra de ce que moi j'ai vu, parce que en fait on est en mode réactif et pas en mode construction d'un produit, d'une plateforme, etc., etc. Alors je vais répondre, j'essaie d'aller vite pour pas te mettre dehors, Maxime, de la discussion. Alors moi je l'ai vu apparaître, j'ai essayé de faire ça, notamment j'ai fait une plateforme de Kubernetes as a service chez Thales. Et en fait on a poussé le bouchon assez loin, on était que 3. On a poussé le truc assez loin, c'est que déjà on a donné un nom qui n'est pas un acronyme merdique, mais on l'a appelé Armateur. Donc c'était le projet Armateur parce qu'en fait on prenait des porte-conteneurs on gérait des porte-conteneurs qui avaient des compteurs qu'on connaît pas. Donc notre métier c'était d'être un armateur de porte-conteneurs qui sont les Kubernetes qui portent des conteneurs. Et on a créé un logo. On a créé les stickers qui vont avec. On a créé on a créé vraiment tout le branding, etc., qui allait avec tout ça. Une user experience qui allait. On avait des rituels où avec notre PO, tous les gens qui utilisaient notre plateforme, on les invitait une fois par mois dans une salle pour qu'on fasse le reporting de qu'est-ce qu'on a fait, quelles sont les choses qui ont été apportées à la plateforme, qu'est-ce que AKS a fait, etc., etc., et que les gens puissent discuter après pour nous donner leur feedback instantané. On était allé jusque là. Et alors après, un autre point qui souvent revient dans les problématiques qu'on a en Scrum dans l'infrastructure, et donc ça doit être des fois la même chose pour le dev, c'est on n'a pas le temps. C'est-à-dire qu'un cycle de 2 semaines n'est pas assez long, on n'arrive pas à gérer les bugs, gérer les choses comme ça, et gérer le daily, en fait. On a vraiment une décorrélation là-dedans. Alors moi, déjà, ce qu'on avait fait, je dis, on est vraiment tous les tips qu'on a fait dans cette expérience-là, parce qu'elle est vraiment symptomatique. Déjà, moi, ce que j'ai dit, c'est que la charge des user stories, la charge de l'implémentation de nouvelles fonctionnalités ne doit pas dépasser 50% du temps total de l'équipe. 50% doit rester sur le run, etc., etc. Ça veut dire, on ne peut pas m'en vouloir si jamais j'ai délivré que 50% du temps. Enfin, c'est pas un problème. Je ne dois pas remplir le temps de tout le monde en user story permanente. Si quelqu'un arrive en daily et dit, bah non, mais hier, j'étais sur du correction de petits bugs, correction de choses comme ça, etc., c'est tout à fait valide. La deuxième chose qu'on a fait, c'est qu'on a supprimé tous les points d'estimation. C'est-à-dire qu'en fait, on avait un truc où la boîte, l'équipe, elle estimait des points genre à 35, 37, un truc comme ça. On était à une moyenne de 37 points. Et en fait, à chaque fois, on délivrait genre 20. Et en fait, c'était vraiment, il y avait les managers au-dessus qui étaient dans une frustration totale parce qu'ils avaient l'impression qu'on ne bossait pas. Puisqu'en fait, on disait qu'on allait faire X et en fait, on se retrouvait à faire moins. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit, non, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les user stories et on va prendre que 5. Quelle que soit la taille de la user story, c'est 5. Et toutes les user stories ont 5 points. Comme ça, on délivre 25 points. Et tous les sprints, on délivre 25. Donc, en fait, j'avais complètement pété le modèle en disant, vous voulez des estimations? Ok, c'est 5. Vous avez le choix de la couleur du manque. Voilà. Donc, et en fait, ils étaient super contents. D'un coup, ils étaient là en mode, ouais, putain, votre burn down, votre résumé à la fin du sprint est super cool. Et après, en plus, pour pouvoir gérer un problème qui est souvent comment on fait de la prospective, comment on fait pour, parce qu'en fait, on arrive au début du sprint et on nous dit, voilà, il va falloir faire un nouveau système d'orchestration. Et comment tu t'engages là-dessus alors que t'as pas commencé? Donc, en fait, comment tu fais cette phase de prospective sur les évolutions? Et en fait, nous, j'ai appliqué un système qui vient un peu de Intel, où avec ses processeurs, ce qu'ils font toujours, c'est qu'ils font une phase d'amélioration de l'architecture, mais en gardant la finesse, et ensuite, ils améliorent la finesse. Donc, en fait, une architecture Intel, c'est ça, c'est un système de TikTok, ils appellent ça comme ça, alors c'est plus le cas maintenant, mais à l'époque, c'était comme ça, où on fait une phase de nouvelles technologies de fonderie. Donc, on est antique, et là, c'est un nouveau processeur, mais avec la même archi qu'avant, et une phase où on garde la finesse, mais on change l'archi. Et donc, comment on avait fait ça, nous, en place, c'est qu'on avait divisé le sprint en 2 semaines, Et je vais commencer par la deuxième semaine. La deuxième semaine était de la prospective, c'est-à-dire que là, dans la deuxième semaine, on se mettait à chercher les sujets pour la prochaine. En fait, on était vraiment en train de tester des solutions, en train de les expérimenter, etc. Comme ça, on arrivait au moment du sprint planning en se disant, ok, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Bah, ça tombe bien, on l'a déjà fait avant, voire on l'a déjà expérimenté. Donc, on sait à peu près, on peut s'engager. Ou alors, on dit non, là, c'est pas sec, on continuera la semaine d'après. Donc là, on fait un engagement. Directement, comme on a déjà bossé dessus, bah, en fait, en une semaine, c'est torché. Donc pendant la première semaine, on torche tout. La plupart du temps, d'ailleurs, c'est écrire de la doc, déployer en production, etc. Et après, on a la deuxième semaine qui revient à un cycle d'itération où là, on peut soit fixer les problèmes qu'on a intégrés à la semaine d'avant, soit faire la prospective pour le sprint d'après. Et en fait, on divisait notre semaine, mais vraiment, il y avait des fois en plein milieu d'un POC, on pouvait arrêter le vendredi en disant le lundi prochain, on le reprendra pas parce qu'on va se mettre sur mettre en place des fonctionnalités. Et donc, on faisait un système de TikTok comme ça en permanence dans notre sprint de deux semaines. Ça se voyait pas de l'extérieur, mais on avait ça. Et ça nous faisait d'ailleurs un burn chart génial parce que quasiment au milieu de la première, au milieu du sprint, on avait déjà quasiment fixé toutes nos user stories. Ou alors, il restait à le faire valider par le PO ou un truc comme ça. Mais en fait, on avait une phase de genre ultra synchrone la première semaine où genre, enfin, on délivrait à fond la première semaine et après, on était dans l'asynchrone la deuxième semaine et on faisait un système comme ça. Voilà, je te donne un exemple de comment c'est possible de faire. Bon, on a été viré pour avoir fait ça, donc au final, ça n'a pas marché, mais c'est comme ça qu'on peut le faire, en tout cas. En tout cas, ça marchait. Nos clients étaient cool, on a été viré pour d'autres raisons. Donc voilà, je sais pas si ça répond en partie à une possibilité là-dedans. Toi, je sais pas, toi, Maxime, t'es plus orienté dev, donc peut-être tu vas peut-être plus pouvoir nous donner tes feedbacks là-dessus. De comment t'étais orienté en tes sprints, tes user stories. Nous, au final, on était on était plus à consommer les tickets sans avoir de responsabilité sur la manière dont c'était fait qu'autre chose. Mais nous, ce qui s'est passé d'un point de vue dev, c'est que ils étaient aussi très contents de voir un beau burn down chart et ils en avaient rien à foutre du reste. Ce qu'ils voulaient, c'était voir de l'évolution, de voir on faisait tous les story points qui étaient prévus et qu'on n'accumulait pas de retard. Mais d'un point de vue dev, nous, on était dans une frustration totale de voir que la qualité du code baissait au fur et à mesure, que la dette technique, elle, augmentait, que malgré nos plaintes à dire il faut faire quelque chose, là, il faut arrêter de délivrer des nouvelles features parce que les pieds d'argile, ils vont bientôt s'effondrer. On a une base de code de plus de 100 000 lignes de code qu'on n'arrive plus à maintenir. Chaque ticket est de plus en plus long parce qu'il faut refoutre les mains dans le caca et c'est pas très agréable à chaque fois. Et ce qui fait que, ben, sur la fin, le moindre fixe de 10 lignes de code prenait une journée entière parce qu'il fallait déjà trouver l'endroit où il fallait intervenir et essayer de maintenir un peu tout ce qui pétait en tous les sens dès qu'on touchait à la moindre ligne de code. Mais côté PO, côté Scrum Master, ils étaient contents parce qu'ils avaient des beaux tableaux avec des tickets qui avancent. Bah, tu mets un point là-dessus, en fait. Plus que ça, c'est la métrique, en fait. C'est-à-dire que, par exemple, une dette technique, personne ne sait mettre une mesure sur une dette technique. Alors qu'un burn chart, bah, c'est une métrique. Et donc, en fait, on ne peut changer que tout ce qu'on mesure. Et en fait, le problème peut-être de l'agilité, enfin, en tout cas du Scrum, ou ce qui a marché d'ailleurs, c'est qu'on a su mesurer des choses. C'était trop bien, on a su mesurer l'avancée d'une équipe, bah cool. Et donc en fait, comme on mesurait pas certains points, bah on pouvait pas les améliorer. On peut pas les améliorer. Et le Scrum pour le coup parle pas de ça. Il te dit pas la fatigue de l'équipe, il te dit pas la morale de l'équipe, il te donne pas tout ça en fait. Donc si c'est pas mesurable, c'est pas quelque chose sur lequel tu peux influer. Et c'est peut-être ça le problème de ce qui est apparu là-dedans. Et je sais pas s'il y avait d'autres points que tu avais soulevés lors de ton thread dessus. Alors on va faire comme ça, tu pourras plus t'expliquer plus longtemps que seulement sur Twitter. Je pense qu'un gros sujet, c'est les estimations. Hashtag, ça ne devrait pas exister, il devrait y avoir que de la complexité, mais bon. Ouais, bah c'est là-dessus... c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des comptes Twitter no estimate avec que du bashing de l'estimation des tickets, hein, tellement c'est... c'est dedans. Mais je sais pas, vous d'ailleurs, comment vous l'avez vécu ça? Quelles sont vos perles un peu de ce que vous avez vécu dans les estimations? Moi, bah, c'est le cas classique de, on est convié à venir à, je sais plus comment ça s'appelle, la cérémonie des estimations. Poker planning. Ouais, sauf que on l'appelait pas poker planning, mais c'est exactement ça dans la définition de Scrum. C'est qu'on était invité du coup à cette cérémonie, mais on découvrait du coup le ticket à ce moment-là, et on nous demandait bah voilà, du coup toi, combien de temps tu penses que ça prend? Alors que bah, c'est une fonctionnalité qu'on découvre, on a une idée parce qu'avec l'expérience, on sait à quoi ressemble le code, on a une expérience de, on a une idée de où ça va devoir se brancher, de ce qu'il va falloir faire pour le faire et compagnie, mais sans avoir directement le nez dans le code, c'est un petit peu du pifomètre de entre une journée et cinq, selon oui, s'il va falloir faire des refacto et compagnie. Mais du coup, on se retrouvait tous un peu interloqués à chaque cérémonie, à dire ben, ce qui est là, allez, disons trois. Mais c'était à chaque fois du pif. Seulement, c'était ce qu'on a compris plus tard, c'est que ce chiffre qu'on donnait là, c'était un engagement. Parce que plus tard, on allait nous dire, mais t'avais dit 3, pourquoi ça fait 4? Ouais, pourquoi ça a pris 5 jours au lieu que t'avais dit qu'en 1, ça serait possible que ça passe, quoi. C'est ça, c'est exactement ça. Et ben, pour répondre à ça, enfin, nous, on peut juste relever le problème en disant, ben, on a découvert le ticket. Forcément, une fois qu'on est dans le code, on se rend compte qu'il y a d'autres choses à faire. À chaque fois, on pouvait justifier sur le, ben, j'ai dû refacto tout ça. C'était pas évident parce que c'était du code complexe, du vieux code qui avait été fait il y a un an et où il a fallu retravailler dessus, parce que c'est même plus au standard de ce qu'on fait maintenant. À chaque fois, on avait moyen de justifier nos retards, qui étaient plus le temps qu'il fallait pour le faire qu'un retard, mais c'était pas forcément écouté pour les gens qui nous écoutaient, c'était plus du blabla de dev pour se justifier d'un retard. Alors que ben, juste, c'était ce qu'il y avait à faire. Mais dans ce cas-là, enfin, j'ai vécu pareil, hein, comme toi, l'estimation pure, et jusqu'au jour où je suis arrivé quelque part où on faisait du no estimate, ce qui pour moi était une hérésie au début, parce que quand tu connais pas, tu te dis, bah, si j'estime pas, comment je sais si je suis bon ou pas bon, quoi, entre guillemets. Et j'ai oublié de là où je voulais en venir, mais c'est pas grave, je rattrape sur un autre morceau. C'est que pour moi, l'estimation, je l'ai dit un peu tout à l'heure, mais ça devrait pas exister, en fait. Comme tu dis, Maxime, se projeter sur combien de temps va prendre une tâche, bah tu dis la tâche, les meilleurs arrivent à peu près à dire ça va prendre X temps, mais en fait, déjà, c'est un truc très personnel, parce que chaque développeur a une capacité à délivrer qui est complètement différente, ce qu'on est censé appeler la vélocité personnelle. Puis après la vélocité de l'équipe, mais c'est là où moi je préfère la complexité d'une tâche. C'est une tâche très peu complexe, veut pas dire qu'elle sera très rapide à faire, parce que typiquement, je te demande de changer le nom d'une variable dans toute ta base de code, ça peut être très long. Bon, on est d'accord qu'un search and replace peut certainement faire le taf sur une grande partie, mais dans l'idée, quelque chose de très simple peut être très long à faire et inversement. Mais c'est là où je préfère plus en fait parler en termes de complexité, en termes de taille de t-shirt ou de choses comme ça. Mais si je me place de l'autre côté, du côté manager slash chef de projet, c'est pratique de savoir que dans le sprint, j'ai 12 tickets. Ces 12 tickets, on va dire, ils sont tous calibrés à une journée de travail. Bah, je sais que j'ai besoin de 12 OTP pour livrer mon sprint sur les deux semaines, quoi. Et c'est bien, c'est facile, ça permet de savoir est-ce que l'équipe est bonne, machin, etc. Je comprends les points d'un point de vue chef de projet, suivi de projet, manager, etc. Mais en fait, ça marche pas. Les estimations seront toujours fausses et c'est comme ça qu'on arrive après à des moments où on dit, bah, tu prends l'estimation d'un dev, tu fais x3 et tu t'approches de la réalité, quoi. Mais est-ce que c'est une bonne solution? En fait, j'ai pas l'impression qu'il y ait une bonne solution sur les estimations slash complexité qui permettent réellement d'avoir, que tout le monde soit contenté. Bah même la question moi que je me demande à chaque fois, tu as dit oui, tu comprends d'un point de vue manager. En fait, c'est la compréhension d'un point de vue manager qui a besoin de manager, mais genre, quel est l'apport pour l'entreprise, quel est l'apport pour le projet, quel est l'apport pour le produit dans la valeur. En fait, en gros, le point de vue historique de l'agilité et du Scrum, c'est de se dire, on va essayer de maximiser l'apport de valeur pour le projet. Et en fait, aujourd'hui, on en est vu à un truc où on a des gens, des rôles qui reviennent à leur vieux démon, on va dire, qui est de faire du report pour du report. Genre, quel est l'apport pour le projet que le manager sache qu'il faut 4 OTP pour telle fonctionnalité. Tu vois, c'est sur, à part... Enfin, et en plus, il y a un point aussi important là-dedans, et peut-être ça, c'est le problème qu'il y a eu dans les organisations, c'est qu'en fait, souvent, moi, j'ai vu des gens qui faisaient des rétrospectives d'agilité en disant ce qu'elles allaient faire dans le sprint d'après. Elles parlaient jamais de ce qu'elles avaient fait. On avait quelque chose où on était, alors, dans les 2 prochains mois, on va bosser sur Tartampion et Tartampion. Dans les 2 semaines, on va voir apparaître ça, etc., etc. Et c'était les managers, en fait, qui disaient ça. Les PO, en fait, adorent parler de ce qu'ils vont faire, pas de ce qu'ils ont fait. C'est un truc, vraiment, ça permet d'envoyer du rêve, etc., etc. Et clairement, bah, en fait, quand on a commencé à envoyer du rêve, bah, il faut derrière que les équipes, elles, fassent. Et donc, c'est pour ça que les gars, ils te sortent à chaque fois un gant. Ils ont tout le temps un gant, que ce soit dans leur tête ou mis dans un papier sur leur poste là-dedans. Mais ils ont un gant. Ils te disent, alors, à tel moment, bah, un gant ou une roadmap, hein, mais c'est pareil. Hein, c'est genre, si t'as une roadmap, tu peux pas faire de l'agilité, puisqu'en fait, c'est-à-dire qu'à n'importe quel moment, tu as déjà mis dans le marbre, tu t'es engagé en mettant des dates, des chiffres, des estimations à un endroit. Et en fait, eux, ce qu'ils veulent, c'est retomber là-dessus. En fait, c'est des gens qui, c'est des proxys agilité méthode en V. C'est ça leur truc, en fait. Et en fait, ce qu'ils font, c'est de l'interprétation en permanence de ce qui est dit pour dire, OK, dans mon gant, où est-ce que j'en suis, quoi? Dans ma petite barre, est-ce que je serai en retard sur la roadmap que j'avais dit qui serait? Et il est là le problème. Et en fait, moi, pour moi, le problème, c'est que l'organisation, peut-être l'équipe est passée agile, mais l'organisation au sens très large, et même l'organisation et les mentalités n'y sont pas passées. C'est-à-dire que personne n'est capable d'assumer le fait que tu ne sais pas quand est-ce que va sortir une fonctionnalité. Mais tu sais qu'elle va sortir et tu sais qu'elle sera bien. Et tu sais qu'elle sera sortie le plus tôt possible. C'est-à-dire, ça aurait pas pu être avant. Non, j'allais dire, c'est bien que tu soulèves ce point, parce que c'est un truc dont j'avais très peu effleuré le sujet dans le thread. C'est que les roadmaps existent parce que t'as tout le temps une team de commercial qui vend des features à des clients et des clients qui attendent du coup leurs features. Et le problème, c'est que souvent, dans les contrats, ben, t'as une date. Des fois, c'est une fourchette, hein, ça va être dans 3 à 6 mois. Mais du coup, dans la roadmap est ajouté, ben, support de machin, ou truc, voilà, dans 6 mois, il faut que ce soit fait. Et, forcément, ben, ça redescend jusqu'au niveau du dev, où on te dit, ben, non, tu vas pas pouvoir t'occuper de ça parce que, il y a cette fonctionnalité qui a été vendue qui doit sortir dans les 3 mois. Donc maintenant, il faut la faire, et puis après, il faut qu'elle passe en test, il faut qu'elle passe en prod, il faut... Mais oui, en fait, fondamentalement, de base, il faudrait vendre au client, comme tu dis, un truc, il y a une fonctionnalité qui va arriver, on ne te dit pas quand, tu peux déjà payer pour, et tu l'auras quand elle sera prête. Et on s'engage juste sur le fait que ce sera le plus rapidement possible. Ouais, mais si vous inversez le problème, là, c'est dans le monde un peu idéal. Si vous vous placez vous en tant que client, vous avez pas envie d'entendre que la feature sera disponible un jour en fait, et que en attendant je vais payer pour cette fonctionnalité que je vais avoir un jour. Ce que je veux en tant que client, c'est que tu me dises cette fonctionnalité, je l'ai à telle date, et puis je reviendrai te voir ce jour-là à telle date en disant bah elle est où ma feature, tu vois. Et c'est là où côté commerce, parce que c'est pas que commerce, hein, c'est produit, c'est un peu toute la boîte. La roadmap, et je pense. Et je trouve aujourd'hui importante pour donner la vision. Après, une roadmap, il y a une différence entre dire je vais te livrer le 28 janvier et je vais te livrer Q1. Parce que Q1, ça te laisse un delta de 3 mois pour livrer ta feature. Là où quand tu donnes une date fixe, bah c'est une date fixe quoi. Tu peux pas avoir du retard. Et après, je pense que ce qui est malheureusement pas assez mis en avant, c'est que le produit réfléchit à sa feature dans une version idéale. Mais après, quand tu as des contraintes fortes de date, rien ne t'empêche de cutter des features dans ta feature pour justement sortir un MVP le plus tôt possible de ta feature. Et c'est souvent ce qui est oublié, c'est que on veut tout de suite une feature complète qui fait tout, alors qu'au final, juste un tout petit besoin simple de base, un MVP, aurait suffi, et souvent ces MVP là t'es capable de les sortir très très rapidement, en quelques jours voire quelques semaines, t'es capable de poker un petit truc qui aura peut-être plein de problèmes, qui marchera pas, il faudra recoder complètement dans quelques mois, mais les learnings que t'auras eu sur ça ont une valeur inestimable en fait. Et je pense que c'est là où en fait les équipes sont globalement désalignées et les besoins sont désalignés entre le produit, la tech, qui est souvent un des gros alignements, puis après on voit les commerciaux qui vendent des choses, mais les commerciaux ils inventent pas des choses à vendre, c'est qu'on leur a dit, quelqu'un a dit quelque part que dans la roadmap il y avait telle feature, tel nouveau produit qui serait disponible à telle date, donc forcément les commerciaux, eux ce qu'ils ont besoin de faire, c'est de faire plus de chiffres, et donc ils vont se mettre à vendre cette feature là, et après en fait c'est un manque de communication entre tout le monde quoi. Mais tu soulignes aussi un point là-dedans. C'est comme ça souvent que je le décrivais la différence entre la vision américaine et française d'un produit. C'est que en France, on considère qu'un produit est sortable, c'est-à-dire qu'on peut le présenter à des clients quand toutes les fonctionnalités sont là. Clairement, un truc où tu ne peux pas présenter quelque chose s'il n'y a pas tout ça. Moi, j'ai déjà vu des projets où, en fait, en permanence, il y avait toujours une nouvelle chose qu'il fallait rajouter en disant « Non, attends, on peut pas sortir ça. Regardez, là, vous bossez dans le prochain sprint, vous rajoutez tel truc et regardez, après, c'est bon, on pourra le sortir. » Donc, en fait, tu te trouves à avoir des retards permanents juste parce qu'il manque toujours un truc. Il y a toujours un PO qui a une idée de rajouter un truc magique en disant « Non, mais voilà, quand on va le sortir, vous allez voir, avec ça, c'est bon. » C'est bon, avec ça, on découvre le monde, on va devenir Steve Jobs, enfin, on va devenir le nouveau Apple. Là où qu'aux États-Unis, le but, c'est de sortir quelque chose qui est par contre qualitatif. Et c'est l'exact opposé, c'est-à-dire une fonctionnalité avec rien, quasiment rien, mais par contre, une expérience utilisateur qui est magnifique. Alors, expérience utilisateur dans la limite du produit, dans la limite des fonctionnalités disponibles à ce moment-là. Et en se disant qu'on va dans une grille, en fait, qualité-fonctionnalité. En France, on va être dans très peu de qualité. Un MVP, ça va être très peu de qualité, beaucoup de fonctionnalité. Aux États-Unis, ça va être une grosse qualité, très peu de fonctionnalité. Et ben, la différence qui va se jouer ensuite, c'est l'évolution. C'est-à-dire comment on va évoluer à partir de ça. Et en fait, si jamais on a déjà plein de fonctionnalités avec une très basse qualité, bah, ça veut dire beaucoup de dettes techniques, ça veut dire des interconnexions entre les produits qui sont compliquées, des choses qui ont été faites en trop dont on n'a pas forcément besoin. Tu l'as dit, on n'a pas eu de retour utilisateur. Et donc, en fait, on se retrouve dans un principe où, et je l'ai vu dans beaucoup d'équipes, avec un backlog long comme un bras, quoi. Enfin, vraiment, avec un truc où le backlog est gigantesque, qui fait qu'à chaque fois que quelqu'un rajoute quelque chose, on est en mode pop-up, on a un backlog énorme, on sait même plus pourquoi il était dans le backlog, on sait même plus pourquoi quelqu'un en avait besoin, et on se retrouve à avoir quelque chose où il y a une chape de plomb permanente sur l'équipe, qui est la taille du backlog. C'est vraiment un truc gigantesque. Là où, quand on a fait de la qualité et qu'on a très peu de fonctionnalités, bah, en fait, on a un backlog qui est assez léger, c'est-à-dire qu'en fait, on a peu de dettes, on a peu de choses comme ça, et en fait, on va réfléchir seulement au moment, au début. En fait, c'est zéro backlog. En fait, tu vois, plus que no estimate. Moi, je suis no estimate et no backlog. Pas de backlog. Je me fous de ton backlog. Ce que je veux, c'est qu'au moment où on se lance, là, on réfléchit à ce qu'on a besoin pour le sprint d'après. Qu'est-ce qu'on va rajouter dedans? Qu'est-ce qu'on en a besoin tout de suite? Pas il y a 6 mois pour dans 2 jours. C'est aujourd'hui de quoi on a besoin. Et en fait, comme ça, ça permet d'avoir une chape beaucoup plus légère, même sur l'équipe. Ça met moins de pression, je trouve, là-dessus. Et en fait, c'est vraiment une vision de qu'est-ce que ton MVP? Comment tu le vois? Comment tu le perçois? Je sais pas. Je pense que globalement, c'est quand les boîtes grossissent, elles oublient ce que c'est qu'un MVP. Et elles oublient qu'un MVP, c'est pas juste quand une boîte se crée et que c'est, en fait, c'est toute nouvelle feature ou tout nouveau produit, on peut peut-être élargir un petit peu, tout nouveau produit qu'une boîte veut proposer devrait commencer par MVP avec ce que tu disais de la vision américaine, et je suis plus dans cette vision-là, de dire une feature, peut-être 2 features, mais avec une UX, une UI, une expérience de fou. Mais je suis d'accord avec toi que c'est pas ce qu'on fait forcément aujourd'hui en France, même si ça change. Enfin, tu regardes les startups qui se lancent ces dernières années, elles ont quand même une culture produit qui est beaucoup plus présente que ce qu'on peut voir dans les grands groupes français. Après, c'est pareil, un grand groupe français a pas les mêmes choses. Est-ce que tu vas rentrer dans des sujets de budget, dans des sujets de roadmap, de vision sur 5 ans, de mouvement, de qu'est-ce qu'ils vont faire, de machin. Et là, tout de suite, en fait, tu te tires une complexité qui est énorme et qui ne peut pas disparaître en rajoutant 20 millions de couches de manager. Ça ne fait que ça augmenter. Et c'est là où je pense dissocier aussi les deux, c'est que t'as des choses que tu pourras avoir dans une petite boîte et que t'auras beaucoup plus de mal à retrouver dans une grosse boîte, Parce que bah, tu as l'actionnariat qui veut des choses, tu as l'actionnariat qui veut une vision sur des chiffres, savoir que l'année prochaine, tu feras plus 20% de croissance parce que si tu fais pas deux chiffres minimum, c'est pas bien, etc., etc. Et donc forcément, derrière, quand tu sais que tu veux faire une croissance à deux chiffres, que tu fais déjà des milliards de chiffres, bah, c'est pas facile de faire deux chiffres de croissance. Et donc, pour le coup, bah, derrière, oui, tes devs, ils vont être sous pression parce que tu vas leur demander une feature. Et en fait, ta feature, c'est pas une feature. C'est un truc énorme tout de suite, quoi. Et c'est là où tu te retrouves avec des équipes de 100 devs pour développer ce nouveau projet, etc., etc. Et ce cas-là, en fait, ils ne le retrouvent pas ou peu dans les startups parce qu'elles sont, j'en reviens à mon point de tout début, mais beaucoup plus itératifs, en fait, dans leur approche, avec une recherche de boucle de feedback qui est beaucoup plus courte. C'est vraiment un mode, tenez, on a fait ça, dites-nous ce que vous en pensez. Ok, en fait, les gens, c'était pas exactement ça qu'ils voulaient, et ils itèrent, jusqu'à trouver le produit qui correspond au marché qui est la cible. Là où des groupes plus importants, en fait, sont pas du tout dans cette vision-là. Ils sont, bah, tu le vois de façon avec le site de ta banque, par exemple, tu vois. Le site de ta banque, à aucun moment, il est UX. Il a été pensé par quelqu'un quelque part dans un coin. Ils ont mis 2 ans ou voire 4 ans à développer ce truc-là. Ils l'ont poussé en prod. Enfin, je sais pas si vous avez suivi c'était le Crédit Agricole qui a poussé une nouvelle version des applications mobiles, par exemple, où tu voyais toujours le même message. C'était il y avait des features qui avaient disparu complètement de l'application mobile, et les gens, en fait, c'était la feature qu'ils utilisaient, quoi. Donc typiquement, c'est que l'équipe produit n'a pas compris pourquoi les gens utilisent une application mobile aujourd'hui. Et donc, bah, en fait, à partir de ce moment-là, t'es pas dans un cycle itératif, t'es pas dans tout ça. Donc, forcément, en fait, t'as ton backlog qui se construit et t'arrives à des moments où t'as un ticket qui a été créé il y a 6 mois, tu sais plus pourquoi il a été créé. Tout ce que tu sais, c'est qu'il doit être fait. Mais en fait, il a plus aucun sens parce que ta base de code a complètement changé. En plus, avec un peu de chance, il a été estimé il y a 6 mois. Donc, tu te retrouves avec une estimation qui a plus rien à voir et qui est plus bonne du tout. Et ça m'est déjà arrivé d'arriver et dire ce ticket-là, bah le projet à quel est lié ce ticket n'existe plus. Et pourtant, le ticket avait été review, on l'avait estimé, on avait tout ce que tu voulais, mais au moment de le faire, je retrouvais plus le repo Git, quoi. Parce qu'en fait, juste, le projet avait été kill. Et qu'au moment de faire l'estimation, bah, il y a 6 mois, le projet existait, etc., etc. Sauf que 6 mois après, bah, le projet, il a été kill, il y avait plus rien à voir et c'était juste plus possible de réaliser ce ticket-là. Et là, quand tu dois expliquer à ton PO que bah non, cette feature-là, en fait, c'est pas possible. Et là, il fait « Ah ouais ? Ah bah, prends-en un autre !» Ça montre juste qu'il n'y a pas de vision produit outre mesure, quoi. Et c'est ce qui, pour moi, manque dans beaucoup de boîtes, et surtout dans les grosses boîtes. J'ai moins rencontré ce problème-là en startup, c'est la vision produit, en fait, qui est complètement décorrélée du terrain, quoi. Toi, Maxime, tu disais tout à l'heure que tu étais plus passé par les petites structures, justement. C'était quoi justement cette expérience par rapport à toi? Parce qu'à la base, c'était quand même un thread que t'as fait sur genre se plaindre un peu de la pénibilité que t'avais su faire là-dedans. Donc, Bah, disons que plus la boîte était grosse, plus il y avait une montée en charge de la pénibilité liée au management. Au plus bas, les plus petites structures, on se contentait de juste une to-do list. Voilà, on a ça à faire, on n'a pas d'estimation, on sait qu'on doit le faire, on le fait. Et niveau vision produit, c'était assez smart parce que on essayait au minimum de pas donner de délai, de juste dire voilà, on le fait, on vous communique sur l'avancement des choses pour pas vous mettre en angoisse de ne jamais rien avoir, mais voilà, on avance, on y va en mode best effort et on avance. Attends, je me suis complètement perdu. Dans les petites boîtes, est-ce que dans les petites boîtes, tu pouvais voir quelque chose de différent ou pas? Oui, mais t'as fait déjà une réponse, dans d'autres expériences, il y avait quand même plus une vision produit parce qu'il y avait des levées de fonds. Et donc forcément, il y a les rendez-vous avec les investisseurs où il faut montrer, ben voilà, votre argent, il sert à ça. Et en startup, c'est souvent le modèle qui va... Tu parlais des actionnaires, Maxence, tout à l'heure. Ça va être un peu la même chose avec les investisseurs, les fonds. Il y a les rendez-vous de board régulièrement où tu dois leur montrer patte blanche. Dire voilà, votre argent, il sert à ça. Dans les 3 prochains mois, on va faire ça, etc., etc. Et c'est, je pense, ce qui va commencer à mettre des gravillons dans les engrenages de la startup. Et plus les fonds vont être conséquents, plus ils vont avoir des parts dans la boîte, plus ça va être compliqué justement d'avoir une belle boucle itérative avec des petits MVP pour chaque feature et à être directement avec le client. Plus ça vient, plus le fond met son nez dans les affaires de la boîte. Et je pense qu'il y a aujourd'hui, surtout en France, hein, très peu de fonds qui vont avoir cette vision produit de faire démerdez-vous. De toute façon, c'est votre produit, vous le comprenez mieux que nous. Nous, ce qu'on veut voir à la fin, c'est juste de la croissance, mais vous vous démerdez pour faire quelque chose de notre argent. En France, je connais pas cette histoire, je l'ai jamais entendue. Mais c'est pas faux, j'avais jamais pensé à ça, mais c'est vrai que... C'est vrai, hein, les fonds ont besoin de rendement aussi. Après, il y a quelque chose qu'on oublie, on change un peu de sujet, mais sur les startups, c'est que la startup choisit aussi les fonds qu'elle fait rentrer, et tous les fonds n'ont pas forcément la même qualité, la même vision, et c'est des points qu'il faut éclaircir avec eux. Mais je suis d'accord qu'à un moment, il y a des questions de rendement, surtout quand tu arrives à des séries importantes, où tu sais que pour avoir une nouvelle série, si tu as besoin encore d'argent, il faut faire... toujours des meilleurs chiffres, etc. Et donc oui, t'as une pression qui va arriver en fait intrinsèquement au fait que t'as besoin de croissance. Après, les boîtes américaines ont montré qu'elles sont capables d'avoir cette pression tout en gardant une vision produit et d'être proche de leurs clients. Et pour moi, c'est juste une question de volonté en fait, aussi bien des gérants de la boîte que de l'équipe produit de pas s'éloigner et de pas partir en fait dans une espèce de cycle en V. Pour moi, on arrive souvent dans des projets qui sont en fait des cycles en V, parce que pour moi, tant que t'as pas mis ton produit dans les mains du client, en fait t'es dans un cycle en V. Enfin, tu peux l'appeler itératif, tu peux faire des sprints de 2 semaines. Si à la fin des 2 semaines il s'est pas déployé, c'est pas mis en prod, c'est pas utilisé par quelqu'un, en fait c'est juste un cycle en V que tu es en train de créer, que tu caches par une boucle itérative. Mais Et c'est là où vous en parliez typiquement, Guillaume, dans le dernier podcast sur les feature flags. C'est ça qui est intéressant, c'est de pouvoir délivrer vite pour pouvoir justement vite rentrer dans un cycle itératif. Et le cycle itératif est aussi pour les clients, leur proposer rapidement des features pour qu'ils puissent tester rapidement. Et c'est là où pour moi, c'est important de découper les features à leur substrat le plus petit et vraiment avoir un truc tout petit. Qui demande pas beaucoup de développement, qui permet d'avoir vite des feedbacks, de faire du fake it, you make it sur certaines parties. Il y a toute cette culture là, mais c'est une culture produit en fait à avoir de pas attendre toujours le diamant parfait, etc. etc. C'est pas toujours possible quoi. C'est peut-être même jamais possible réellement de finir un projet comme ça, parce que quand tu le mets aux mains de tes clients, c'est quand même extrêmement déceptif quoi. Peut-être qu'en fait là la chose qui rejoint et qui rejoint un peu la notion même de qu'on a dans le DevOps, c'est la notion de confiance en fait. C'est à quel moment ton client a confiance dans le fait que tu vas le faire, à quel moment ton client a confiance dans le commercial, à quel moment le commercial a confiance dans le PO, à quel moment le PO a confiance dans les équipes pour le réaliser. Et en fait, je pense qu'il y a une boucle qui se crée régulièrement, qui est une boucle vraiment de extrêmement nocive, où on n'a pas réussi à sortir une fonctionnalité qui fait que on veut rajouter plus de contrôle pour se dire grâce au contrôle je vais faire sortir plus vite ces choses-là parce que c'est moi. Si jamais c'est pas sorti, c'est parce que j'avais pas fait moi assez de contrôle, tu vois, genre c'est moi qui vais sauver la boîte, hein, tout le monde le sait. Donc je vais mettre un peu plus de contrôle qui fait que ceci, etc., etc. Et donc en fait il y a cette boucle en fait d'inconfort et de où plus personne se fait confiance, qui fait que tu vas tomber dans ces travers-là très souvent en se disant non mais en fait pourquoi je veux pas sortir avec toutes les fonctionnalités, parce que en fait j'ai peur que quelqu'un me tape sur les doigts parce que c'est pas bien, j'ai peur que le client me dise que c'est pas bon, tu vois, genre. Et en fait tout le monde est dans une peur permanente, et donc tout le monde se blinde en disant attendez, moi je vous ai sorti le truc avec toutes les fonctionnalités, si maintenant c'est pas qualitatif, c'est de la faute des devs, et puis les devs, etc. Tu vois, il y a ce truc de waterfall, vraiment de cette chute de responsabilité permanente où je me dégage sur toi de toutes les merdes et de toutes mes peurs que je vais avoir. Et en fait, on est dans un symptôme de genre d'accumulation de peurs et d'amplification des peurs en permanence. Et donc, c'est pour ça, là, pour l'instant, on est très centré autour des développeurs. Mais en fait, si jamais tu le mets sur la production, tu l'as fait x2. C'est genre, en fait, toute la merde de peur qui est descendue du commercial, du client jusqu'au commercial, jusqu'au PO, jusqu'au dev, il se retrouve à la fin sur les ops. Et c'est une chaîne comme ça de confiance, en fait, qu'il faut recréer et qu'il faut remettre à un bon niveau. Mais en fait, pour avoir cette chaîne de confiance, faut que tout le monde ait cette vision produit. Faut pas que t'en aies un dans toute cette chaîne qui se dise, hop, hop, hop, hop, hop. Moi, je fais de la rétention. Moi, je fais du, comment on les appelle déjà, les kamikazes du projet, quoi, en disant, non, mais moi, allez vous faire foutre, je le ferai pas. Genre, vos projets, vos trucs, vos bidules, vos clients, moi, je m'en fous. Je le ferai pas. Et ça existe. Il y a des gens qui sont comme ça, qui... Il y a eu des équipes de développeurs qui l'ont fait à des moments, et il y a des équipes d'ops qui l'ont fait aussi à d'autres moments. Et donc, c'est un peu ça, le truc où tout le monde, c'est un peu, genre, tu sens que tout le monde est un peu tendu, quoi, tu vois, là-dessus. C'est un peu des mots tabous. Et d'ailleurs, c'est un peu ce qui s'est passé sur ton thread en parlant de Scrum, c'est qu'il y a aussi beaucoup de gens qui se sont sentis visés et sentis très mal à l'aise par rapport à ça. Moi, ma question, c'est, est-ce que les problèmes, c'est le Scrum? Ou est-ce que le problème, c'est l'application du Scrum? C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme ça et qui ont pu dire « Ah mais non, mais les problèmes dont vous parlez, c'est juste parce que le Scrum n'a pas bien été appliqué, le Scrum, il ne dit pas ça, le Scrum ceci, le Scrum cela. » La question, je dis même pas que c'est faux, hein, c'est genre, comment on fait par rapport à ça? Quelle est la réponse qu'on peut avoir, quelle est la vision qu'on peut avoir par rapport à ça? Je vous ai pris de court. Pour moi, en fait, Scrum, il est jamais responsable parce que c'est qu'une méthodologie. À toi d'implémenter ce que tu veux dans cette méthodologie-là. L'agile, c'est pareil, c'est un framework. Tu prends ce que tu veux. Il y a aucun moment qu'on te dit où tu dois implémenter tout à 100% pour être parfait, etc. Enfin, c'est pas du tout ce qui est dit. C'est prends ce que l'équipe a besoin. Et je pense que c'est là où c'est le plus important, c'est prends ce que l'équipe a besoin et pas prend ce que l'organisation a besoin. Et c'est souvent là où je vois que les gens se plaignent de Scrum, c'est que en fait Scrum n'a pas de sens pour eux. C'est-à-dire qu'ils ont l'impression que c'est du flicage, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, c'est du flicage, du reporting, du machin, et qu'ils y voient pas les potentiels bénéfices. Et c'est là où je trouve que c'est important, c'est que le manager, le PO, etc. doivent dire aux leurs équipes, en fait, globalement, implémenter ce que vous sentez que vous avez besoin. Et puis on itérera dessus, on essaiera de trouver le meilleur compromis, mais dans tous les cas, ne le faites pas pour votre manager ou pour votre organisation. C'est vraiment pensé de base pour une équipe et pas pour le reste, en fait. Et tu peux très bien avoir plusieurs équipes, et une équipe en Scrum, une équipe en Agile, une équipe en Kanban, une équipe en cycle en V s'ils veulent. Enfin, il n'y a aucun problème tant que la culture produit est partagée et que la vision commune de là où on veut aller est partagée. Normalement, il n'y a pas de problème à ce que chaque équipe s'organise complètement comme elle veut, quoi. Et surtout, si ça marche. Et voilà, adapté aux expériences et aux besoins de chacune des équipes. C'est là où le rôle si du manager... Si ça marche pas, par contre, c'est là où il faut... C'est là le rôle du manager, en fait. C'est de suivre que tout le monde s'épanouit dans cette organisation et que personne n'est laissé pour compte sur le côté. Et que, globalement, ça fonctionne. Parce que c'est bien de se faire un monde merveilleux, mais si derrière, il n'y a personne qui délivre et que ça marche pas... ça marchera pas dans le long terme non plus, quoi. Mais pour moi, ça doit être pensé, c'est l'équipe qui doit implémenter et demander ce qu'elle veut, et non pas quelque chose qui doit être imposé, où un CTO arrive et dit « Ah bah maintenant, toutes les équipes, c'est des cycles de 2 semaines, avec des sprint reviews, des poker planning, des machins, des bidules. » Pour moi, c'est pas ça, c'est pas comme ça, en tout cas, qui a été présenté et pensé la solution apportée par Scrum et Agile. Et toi, justement, Maxime, c'est quoi un peu les retours que t'as eu par rapport à ça, les gens qui te disaient qu'ils ont... c'est pas comme ça le Scrum. Ouais, il y a eu, c'est une assez bonne part, hein, au final, des retours. Je pense qu'on est entre 30 et 40% des retours. C'était vraiment ça. Non, mais en fait, ce que tu dénonces, c'est pas Scrum, c'est l'implémentation de Scrum. Bon, il y a des gens pour qui Scrum ça se passe bien, donc il y a des implémentations où manifestement ça marche. Par contre, ces gens ont une certitude assez forte que Scrum marche, que la méthode, si elle est bien implémentée, fondamentalement va fonctionner. Oui, c'est tout écart à la méthode, c'est ça qui rend les problèmes. C'est ça. C'est que on peut pas proposer d'objection à Scrum. Scrum, le modèle est fondamentalement bon et fonctionne. Si t'as des choses à dire, c'est parce que tu fais mal du Scrum, mais si tu le faisais bien, tu vas voir, ça marche. Mais je pense qu'il y a quand même des objections à faire sur Scrum tel qu'il est écrit. Ouais, mais je suis pas forcément la personne la plus indiquée pour le faire, mais je pense que le modèle en lui-même est quand même critiquable. Bah, je pense typiquement ce qu'a dit Maxence avant est déjà une critique là-dedans. Enfin, une critique en disant en fait on va s'adapter et on va faire en fonction de ce qu'on veut. Et je crois d'ailleurs que dans Scrum c'est pas vraiment écrit comme ça. Hein. C'est comme ça qu'on le fait si jamais on est agile. Si jamais on est agile, on se dit bah pff, c'est une boîte à outils. Je pioche dans le Scrum, pioche dans le Kanban, je pioche dans quoi que ce soit, etc. Agile te dit ça parce qu'agile il te dit rien. Il te dit démerdez-vous. C'est juste la philosophie derrière. Mais Scrum, pour le coup, est beaucoup plus... Enfin, il y a des certifications. Il y a des choses comme ça. Il y a des choses où tu peux être tamponné Scrum. Tu peux être... Enfin, au final, il y a quelque chose où vraiment, il y a des gens aujourd'hui, en effet, qui investissent dans Scrum. Et les gens, pour qui c'est leur business, c'est leur gain-pain. C'est comme ça qu'ils emmènent leurs enfants à l'école tous les jours. C'est grâce à Scrum et grâce à ce tampon Scrum-là. Et c'est vrai que là-dessus... Moi, personnellement, j'ai un problème avec ça. Me dire, je suis coach agile et j'ai fait du Scrum, fait du Kanban. Mon expérience est en Scrum, mon expérience est en Kanban, mon expérience est en ceci, cela. Donc, je vais pouvoir vous aider sur plein de choses. Je trouve ça bien. Mais en effet, j'aurais du mal à imaginer... Enfin, je suis assez d'accord avec toi là-dessus de dire Kanban, c'est même pas qu'il peut être critiqué, c'est qu'il doit être. D'ailleurs, il va pas être adapté à tous les contextes. Il y a des contextes où Scrum va pas marcher. C'est par nature même du concept. Et en fait, quasiment l'inverse, il faudrait demander quels sont les contextes où Scrum va marcher. Genre, est-ce que vous imaginez un contexte où Scrum vraiment by the book fonctionnerait tel quel? Non. Je vois pas comment n'importe quelle méthode qui a été posée sur un papier peut marcher quelque part parce que t'as trop de paramètres qui peuvent influer sur le modèle à la fin. Enfin, c'est comme, enfin, pour moi, c'est comme dans la phrase. Tu peux pas juste appliquer un anti-bull, dire hop, ça marche parce que quelqu'un l'a écrit. Non, faut vérifier, faut être sûr que ça fasse bien ce que tu veux, etc. Et faut prendre que ce que t'as besoin, en fait. Et pour moi, c'est le truc qu'on oublie à chaque fois, c'est prendre juste ce qu'on a besoin. Enfin, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est prendre ce qu'on a besoin et laisser de côté ce qui n'est peut-être pas bon aujourd'hui pour l'équipe, mais qui le deviendra demain. Et c'est quelque chose pour moi à remettre en cause à chaque fois qu'il y a un départ ou une arrivée dans une équipe. Après quelques mois que la personne se soit acclimatée à la façon de travailler, etc., c'est remettre en fait en cause tout, parce que potentiellement le départ ou l'arrivée de quelqu'un peut rebattre complètement les cartes et ne plus avoir besoin de certaines choses ou avoir besoin de nouvelles choses pour que tout le monde, et c'est important que ce soit tout le monde, se sente à l'aise dans cette équipe. Et c'est souvent ce qui est oublié en fait, c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure, mais c'est globalement, c'est souvent ce qui est oublié, c'est que c'est l'équipe en fait en premier. Et c'est un rôle, et par exemple, il y a un rôle que j'aime pas du tout dans Scrum, c'est le principe du Scrum Master. Moi, j'ai jamais compris c'est quoi son rôle. Pour moi, le Scrum Master, c'est un facilitateur, en fait. C'est quelqu'un sur qui je viens appuyer pour dire j'ai un problème de communication avec telle personne, j'ai un problème de communication avec telle autre équipe, j'ai un problème de ci, j'ai un problème de ça, et il est là pour me faciliter la vie à l'équipe. Mais le rôle de Scrum Master, j'ai l'impression de voir un rôle de manager, en fait. Tel quel il est implémenté souvent, c'est en fait le manager qui est le Scrum Master. Et à ce moment-là, en fait, bah, t'as tout cassé parce que, au moment où tu mets un manager dans la boucle, les gens se comportent pas pareil quand t'es avec un manager en face de toi, ou quand tu n'as pas de manager en face dans la pièce. Tu le vois, par exemple, en rétrospective. Tu mets un micro dans une salle de rétrospective, tu mets un manager dans la pièce, t'enlèves le manager dans la pièce. C'est bizarre, hein, la rétrospective, elle est complètement différente et les choses ressorties sont complètement différentes. Ça montre bien pour moi que un manager ne doit à aucun moment être lié à tout ça. C'est assez marrant, le rôle du Scrum Master, au tout début, au tout début de ma carrière, c'était vraiment il y a longtemps. Justement, je voulais devenir Scrum Master parce que j'aime la méthodologie. Enfin, tu vois, j'aime le fait, la pensée agile, enfin vraiment ce truc de cycle itératif, enfin, vraiment en termes de conceptuellement, philosophiquement, je le trouve cool. Et donc, je m'étais dit, je vais devenir Scrum Master, mais alors, by the book, c'est-à-dire, le Scrum Master est là pour appliquer la méthode, c'est-à-dire de se dire juste, c'est même pas un facilitateur de communication, parce que le Scrum Master, normalement, ça peut même être un freelance externe. Il vient juste, il regarde ta rétrospective, il dit, votre rétrospective, c'est de la merde, parce qu'il y a le manager dedans, et vous parlez pas. Voilà, tu vois, un Scrum Master, il va faire ça. Ou, c'est de la merde, vous êtes en daily, et en fait, vous racontez votre vie, enfin, vous racontez ce que vous avez fait la veille. C'est pas bien. Bam. Nous, on avait des Scrum Masters vraiment qui étaient ultra vénères comme ça, quoi. Vraiment, qui coupaient en permanence en disant, non, mais là, vous le faites pas comme il faut, vous racontez votre vie, et ils pouvaient le dire au manager, au PO, ou quoi que ce soit. Et moi, je trouvais ça cool. Et en fait, je voulais le devenir. Et en fait, j'avais demandé à une boîte qui cherchait un Scrum Master. Et en fait, ce qu'ils m'ont dit, non, on va pas te prendre. Pas parce que t'es pas bon. Pas parce que tu ferais pas la fin. Pas parce que tu as pas ces idées-là chevillées au corps. C'est parce que t'es trop technique. Et en fait, malheureusement, tu risques d'avoir un avis sur le projet. C'est-à-dire, en fait, tu vas pas avoir un avis vraiment ultra haut niveau. C'est que, en fait, tu risques beaucoup trop d'être jugé parti. Et donc, on ne veut pas que tu y sois parce que ce qu'il faut, c'est évaluer le projet tel qu'il est et pas tel que tu penses qu'il pourrait être ou tel que tu imagines qu'ils auraient pu faire, etc. Et donc, il m'avait pas pris pour ça parce que j'étais trop technique et qu'il voulait des gens quasiment sans niveau d'études, sans rien, qui avaient juste un peu de jugeote, qui le but étant pas de comprendre ce que les équipes faisaient, mais vraiment juste d'appliquer la de simplifier la méthode en fait en permanence. C'est de trancher. C'est un policier justice quoi. Voilà. T'as la loi, c'est Scrum. Les délinquants, c'est les gens qui l'exécutent. Et le Scrum Master est là pour punir tout le monde. Mais moi, je déteste cette vision. Ça, typiquement, c'est rien qu'à l'entendre, ça m'horripile. Je peux comprendre le principe, etc. Mais je vois pas pourquoi, si j'ai envie de, pendant ma daily, j'ai 2 minutes de parole et que j'ai envie de partager un truc un peu perso, etc. Pourquoi ça devrait être interdit, tu vois? Si après, tu racontes pas du tout ce que t'as fait, ce que machin est visible, tu respectes pas le format et que tu fais que parler perso, c'est un problème. Mais pourquoi on n'aurait pas le droit de dériver? Enfin, le but, c'est quand même de construire une équipe. Et une équipe, elle a besoin de liens, elle a besoin d'être soudée, elle a besoin de plein de choses. Et si tu casses en permanence tous les petites phrases qui permettent de créer du lien, en fait, tu crées pas une équipe, tu prends juste des personnels, enfin, des individuels contributeurs, tu les mets les uns à côté des autres, tu leur mets un casque pour surtout pas qu'ils entendent le reste du monde, et tu leur demandes de juste faire du ticketing et, mais enfin, tu construis pas une équipe comme ça. C'est pas comme ça, en tout cas, que tu construis une équipe pérenne dans le temps, quoi. Mais en fait, je suis assez d'accord, c'est que maintenant, j'en suis plus comme ça. Mais à l'époque, tu vois, j'étais pas exactement dans ce genre-là, et c'est marrant comment j'en suis revenu avec l'expérience, en fait. Et c'est un point aussi qui est assez important, c'est que j'ai l'impression que, il y a une phase dans l'agilité où, genre, tu commences à bosser, tu détestes l'agilité, puis il y a un moment, enfin, le scrum, puis il y a un moment, ça y est, genre, t'en as bavé, t'en as chié des bulles, ça y est, c'est devenu ton alpha et ton oméga. Et que, après, au bout d'un moment, avec un peu d'expérience, tu te remets à te redemander si c'était vraiment une bonne chose, quoi, tu vois, genre. Et en fait, quand on parle avec des gens, on sait jamais à quel niveau d'expérience ils en sont dans cette chaîne-là, quoi. Est-ce qu'ils sont au début, ça veut dire qu'ils sont tout jeunots et en fait, ils ont pas d'idée de ce qu'ils font, ou est-ce qu'ils sont très vieux et c'est-à-dire qu'ils ont déjà eu de l'expérience avec du Scrum, tu vois. Ce que je veux dire, c'est un peu ça, ce que j'ai l'impression parfois, en tout cas. Je sais pas ce que vous en pensez, mais bon, voilà. C'est ce genre de choses-là. Et je pense qu'on a un peu déjà tourné un peu autour de tout ça. Moi, ce que je voulais, peut-être pour finir un peu, c'est avoir un peu, toi, les retours que t'as eu à la fin de ton tweet, Maxime, un peu en méta par rapport à ça, justement, si on revient aux réactions que t'as eues, comment tu l'as vécu, ce qu'on t'a pu dire, ce que t'as vu comme profil de gens qui ont réagi et comment ils ont réagi. Ouais, tu peux faire certains portraits types quand même des réponses. T'as d'un côté une part des gens qui, comme moi, l'ont très mal vécu. Et c'est plus en mode oui, merci de le dire, moi aussi j'en ai chié, je me reconnais en ton thread. T'as les gens qui vont être un peu ce qu'on disait tout à l'heure, le problème c'est pas la méthode, c'est son implémentation. Globalement, j'ai été assez surpris, parce que c'est un truc qui me faisait très peur quand j'ai vu que le nombre d'impressions du thread commençait à s'envoler. J'avais peur que ça tourne en shitstorm d'un sens ou de l'autre, que ça s'engueule, qu'il y ait des insultes, que ça dégénère, tu vois, que ça drift. Globalement, tout le monde s'est tenu. Et ça, j'ai trouvé ça trop bien. Il y a juste eu deux fois où j'ai fait, quand même, respectez-vous. Parce que ça commençait à drifter, mais globalement, il n'y a pas eu de gros débordements. J'ai quand même, tu sais, j'ai deux comptes. J'ai ce compte-là que je réserve au pro et puis un compte perso. Durant la durée du thread, mon compte perso, je l'ai mis en privé. Je voulais pas que les gens débordent là-dessus. Je voulais que le pro reste côté pro. Globalement, il y a un avantage du truc, c'est que ça m'a ouvert une porte, par contre, pour pouvoir parler un peu. J'en ai pas encore fait grand chose actuellement. Mais je pense qu'il y a, ça va m'amener à parler d'autres choses sur le milieu du dev. Ça, c'est une bonne chose. Mais sinon, sur le thread en lui-même, je regarde un peu, mais les... ce que je suis content aussi, c'est qu'il y a personne qui a dit, qui est venu avec des gros sabots en mode, ce que tu dis, c'est des grosses conneries. C'est en oubliant le fait que j'avais mis l'accent sur un vécu. T'as des gens qui ont quand même dit, ben ton vécu, c'est pas Scrum, mais t'as personne qui a remis en cause le vécu. Mmh. Oui, et c'est ta faute à toi. Enfin, oui. J'ai trouvé que c'était assez respectueux dans l'ensemble, que tout le monde ait quand même compris le fait que je parlais d'une douleur passée et que je parlais pas d'autre chose. Je tapais pas boulet rouge sur la méthode en mode c'est de la merde, faut arrêter, faut faire autre chose. Je parlais juste de mon ressenti personnel et de la douleur que ça avait causé. Et ça, globalement, tout le monde l'a compris, et c'est au final une bonne chose. Mais ça, c'est cool, oui. C'est plutôt sympa. Mmh. Ok. Bon, je sais pas si vous avez d'autres choses dont vous aimeriez exprimer là-dessus. Enfin, on a fait le tour, moi, en tout cas, de ce que je voyais, mais vous, peut-être que vous avez encore autre chose. Enfin, on pourra toujours en rediscuter. Hein. Je pense que c'est un débat assez important, et même des autres méthodes. On n'a pas parlé du Kanban, on n'a pas parlé de l'extreme programming, on n'a pas parlé de tout ça. c'était pas le propos là. Déjà, ça fait déjà un petit moment qu'on parle, mais je sais pas, là, sur Scrum, est-ce que vous avez quelque chose d'autre qu'on aurait pu oublier? Pour moi, je pense que le tour est fait pour une première fois, en tout cas. Cool. Bah, super. Bah, merci à vous deux d'être venus. Merci. Donc là, on était en distanciel. Hein, c'est pour ceux qui l'écoutent. On enregistre ça en ligne. N'hésitez pas à réagir. Bien sûr, courtoisement, même à donner votre opposition ou à donner des précisions. On n'a peut-être pas été très précis, et peut-être même d'ailleurs on va changer d'avis grâce à vos commentaires. Donc c'est bien de le faire. Pas besoin de nous insulter. Les gens peuvent changer d'avis, ça c'est bien. N'hésitez pas donc à commenter sur Twitter, à revoir le thread. J'essaierai de mettre sans doute les liens vers pour que vous ayez un peu plus le contexte, et à venir si vous voulez sur le Discord de DevOps. On sera toujours ravis d'avoir des expériences, même pas que sur le DevOps, hein, des gens qui sont dans toute cette chaîne. On aimerait bien avoir des gens du produit. Moi, j'adorerais avoir ça, personnellement, en tout cas. Et voilà. Bah, merci à vous deux. Merci à toi de nous avoir invités. Merci beaucoup. C'était super. Bah, de rien. Super. Bah, merci. Salut. Salut. Salut.